Le Cercle de la jeunesse d'études du kim-il-sunisme kim-jong-lisme à Vienne, Autriche, et l'Association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée ont publié respectivement une déclaration contre les exercices militaires agressifs insensés des bellicistes américains et sud-coréens visant l'attaque préventive nucléaire contre notre République.